Put your hands together one time. Bonjour chers amis et bienvenue à ce nouvel Entrepod, l'émission de FrenchPod où nous prenons plaisir à parler de la culture francophone entre nous, entre amis, entre potes. Alors aujourd'hui, c'est une émission 100% bonheur car nous allons parler de nourriture, pas n'importe quelle nourriture, nous allons parler gastronomie, nous allons parler de l'art de la bonne chère, de bien manger, de se faire plaisir. Alors pour ce, j'ai invité un très bon pote à moi, Nicolas. Salut Nicolas. Bonjour, enchanté. Donc Nicolas nous vient d'une région magnifique, il nous vient de la région lyonnaise, où l'art de la table est prépondérant. C'est bien vrai ? Oui, tout à fait, c'est ça. Très important. La ville de Lyon et sa région sont connues comme étant la capitale gastronomique française. Alors est-ce que tu aurais peut-être une petite explication à cela ? D'abord, tu es vraiment lyonnais d'origine ? Oui, je suis un Gaune, comme on dit, je suis un lyonnais d'origine, né à Lyon. D'accord. Donc tu as passé combien de temps, plus ou moins, sans être indiscret ? 30 ans. D'accord. Alors tu vas peut-être pouvoir nous apporter une petite explication à cela. Comment ça se fait qu'elle est réputée comme étant cette capitale gastronomique alors qu'en France, bon, pas mal de régions, chacune leur spécialité, il y a quand même cette exception lyonnaise. Je crois que, comme beaucoup de choses en France, ça vient aussi de la littérature. C'est-à-dire que au 19e siècle, nous avons un poète, Joseph Berchoux, qui publie un poème didactique précurseur sur la gastronomie ou l'homme des champs à table. Et ça a été traduit en plusieurs langues, ce qui permet d'avoir étalé au monde entier un peu la connaissance de la table de la région lyonnaise, puisque ce monsieur Joseph Berchoux était quelqu'un installé à Rouen. Rouen, c'est juste à côté de Lyon. C'est à côté, c'est trois quarts d'heure, une demi-heure de voiture. Ok, d'accord. Mais donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est un résumé de la tradition culinaire qui existait déjà, elle était déjà présente. Non, je pense que c'est des écrits surtout, et des poèmes, des histoires qui parlaient de beaucoup de gastronomie et de la façon de bien manger et de bien vivre à Lyon et sa région. D'accord. Et de là peut-être est née la réputation de la ville. Et on pense que ça viendrait d'ici, qu'effectivement, après, avec les années, ça a continué. Et en plus, comme c'est une région qui regroupe la Savoie, le Mâconnais, la Bresse, les Dombes, le Beaujolais, les Côtes-du-Rhône, le Pilat, le Dauphiné, l'Ardèche et la vallée du Rhône, ouais. Ça nous permet d'avoir un mélange assez hétéroclite de produits artisanaux, ouais. Et de produits frais et de tout ça, ce qui permet d'avoir une nourriture de haut de gamme. Donc les gens accordent une grande importance à la qualité des produits. Tout à fait. On travaille beaucoup avec des artisans, avec les marchés. Lyon est une ville qui dépense le plus en achat de marché. D'accord, donc ils vont dans les marchés. Ils vont dans les marchés locaux des arrondissements pour acheter de la nourriture fraîche, du bio ou pas, ça dépend, mais en général ça reste du produit frais du marché. D'accord. Et alors je sais par exemple aussi que par rapport à la région, il y a des séjours touristiques culinaires, rien que pour ça, qui sont organisés dans la région. Rien que pour l'amour de la table, rien que pour bien manger. Oui, beaucoup de gens vont dans la région, ou même les étrangers se déplacent assez facilement sur la région lyonnaise pour essayer de tester tous les chefs étoilés comme Paul Bocuse, Trois Gros, Georges Blanc, etc., etc. Parce qu'il y a une concentration justement de chefs étoilés, ça veut dire qui ont été primés, qui ont été récompensés par le guide Michelin. Oui. Par des étoiles, qui est une reconnaissance de leur savoir-faire. Aujourd'hui, pour avoir deux étoiles, ou même, il y a très peu de trois étoiles, mais je sais que pour avoir deux étoiles déjà au guide Michelin, c'est très difficile, et on perd facilement son étoile aussi, donc ça oblige un peu tous ces chefs à bosser continuellement, à évoluer par rapport à la cuisine, que ce soit de la cuisine traditionnelle ou de la cuisine moderne. Alors justement, quelles sont les spécialités de Lyon ? Alors, il y en a plusieurs. Les plus connus sont la quenelle lyonnaise, qui est une sorte de préparation à base de farine, beurre, œuf, lait, mélangé après soit avec du poisson, en général du brochet, ou alors du veau ou de la volaille. C'est très fin, hein. Ça dépend comment c'est préparé, mais ça peut être très fin. Ouais. Et c'est une préparation qui est cuite au four, qui est toujours très gratinée. La cuisine lyonnaise est très souvent accompagné de crème, de beurre. Ah, on peut pas dire que ça soit une cuisine légère pour l'organisme. C'est bien ça. Mais voilà, après il y a aussi ce qu'on appelle le tablier de sapeur, ce qui est très particulier, c'est-à-dire que Lyon travaille beaucoup avec les abats. Ouais. Donc que ça soit les abats du bœuf, du veau ou du porc. Donc là c'est de la panse de bœuf qui a été mariné dans du vin blanc, qui est ensuite pané, frit, coupé et servi avec une sauce gribiche. Donc on rajoute encore la sauce gribiche. La sauce gribiche, c'est quoi en plus? Qui est une sauce à base de jaune d'œuf cuit, de moutarde, montée avec de l'huile et dans laquelle on rajoute de l'échalote, persil, ciboulette. On peut aussi l'assaisonner un peu comme on a envie. Ouais, comme tu disais, ce n'est peut-être pas forcément une cuisine légère. C'est très rarement une cuisine légère. C'est souvent une cuisine qui demande après un digestif et une petite sieste. Ou alors j'aimerais que tu n'oublies pas un de mes favoris. C'est pas vraiment un plat, quoi, mais un de mes favoris pour moi, c'est un saucisson. Et le saucisson à Lyon, c'est fantastique. Il y a le saucisson cru et il y a le saucisson cuit aussi. Voilà, il y a la rosette de Lyon, exact. Qui est un saucisson très connu. C'est un saucisson très fin, avec beaucoup de goût. Et puis après, on a le saucisson lyonnais, ce qu'on appelle le saucisson cuit, ouais. Hein, qui est un saucisson qu'on fait cuire dans l'eau, qui est souvent parsemé de pistaches à l'intérieur, qui peut être aussi brioché, c'est-à-dire qu'il est cuit, on le met dans une brioche, on passe la brioche au four. Donc, tout ça, ça fait partie aussi effectivement de la cuisine lyonnaise, qui est tout ce qui est cochon, cochonaille, qu'on appelait le mâchon aussi à l'époque. C'est quoi, c'est le mâchon? Parce que ça, c'est aussi une autre spécialité lyonnaise. Le mâchon lyonnais, c'est simplement une heure où les gens se retrouvaient pour manger, mais qui était assez tôt, qui était en général entre 6h et 8h du matin. Pour les gens qui commençaient très tôt le travail à l'époque, hein, les chemins de fer ou les ouvriers, qui se levaient à 4-5h du matin, faisaient le casse-croûte à 8h. Qu'on appelait le mâchon et qui était du tablier de sapeur, du saucisson cuit, du saucisson cru, du pain, du fromage. C'était un réel repas complet et bien garni. Ok. Et alors, ils sont servis avec quoi, ces tripes là dont tu parlais ou... Très simplement, après en général, c'est pommes vapeur, des légumes cuits à l'eau ou des choses comme ça. Compenser un peu le gras. Là, tu nous as parlé de plats principaux, mais est-ce qu'il y a aussi beaucoup de fromage dans la région ou... Il y a pas mal de fromage, notamment le Saint-Marcelin, qui est pas très loin, qui est à Saint-Marcelin. Le fameux Saint-Marcelin, qui vient du village donc de Saint-Marcelin. Mmh. Il y a une grosse quantité d'artisans qui produisent autant charcuterie que fromage, que même on va dire, on a l'Ardèche qui est pas loin, donc après il y a toute une, on va dire, les châtaignes, tout ça. On a aussi une cuisine, comment pourrait-on dire, variée, parce qu'on, ouais, comme je disais tout à l'heure, il y a la Savoie, il y a l'Ardèche, il y a tout ça. C'est ça, en fait, c'est vraiment toute cette région aussi qui est autour de Lyon. A fait que Lyon est devenue une capitale de la gastronomie, parce que les gens ont pris de partout, hein, des chefs connus qui s'appellent Marc Vera, qui est à Annecy. Tu sais quoi, c'est 1h30 de route avec Lyon, donc on peut facilement prendre sa voiture et aller manger chez Marc Vera, qui est un chef très particulier qui va chercher dans les bois ses aromates, etc. Donc, très sympa. Lui, il fait très attention aux plantes qu'il utilise, aux aromates, comme tu dis. Voilà, oui. Et puis, il faut savoir que tous les grands chefs ont un peu un grain de folie, je pense, plus ou moins. Et alors toi, ta spécialité préférée à Lyon? Ah mais moi, j'ai pas de spécialité préférée, parce que je suis une famille de restaurateurs. On vit dans la Mecque de la gastronomie lyonnaise, puisqu'on habite à Collonges-au-Mont-d'Or, qui est donc l'endroit où est situé le restaurant de Paul Bocuse, qui aujourd'hui fait autorité dans la gastronomie française, qui était un des premiers grands chefs, en plus, à s'expatrier, à partir à l'étranger, à proposer plusieurs sortes de cuisine. Ouais, il a exporté la cuisine française. Il a exporté beaucoup la cuisine française, et autant ça a été même un des premiers aussi à faire de la publicité sur la cuisine française, c'est-à-dire à vanter les mérites et la qualité des produits français. Ouais. Et donc tu dis que tes parents étaient restaurateurs? Ma maman était restauratrice. D'accord. Et c'est un peu aussi l'histoire de Lyon, c'est-à-dire que tous ces grands chefs aujourd'hui, ils ont eu envie de faire de la cuisine, on va dire un peu grâce à leur maman, et ce qu'on appelait les mères de Lyon, les mères M-E-R-E-S, qui étaient des mamans qui ont réussi à réunir les deux cuisines, qui étaient la cuisine populaire ou la cuisine bourgeoise. On parle plus du tablier de sapeur ou des gratons dans le populaire, et des quenelles au brochet ou d'autres plats plus évolués qui étaient faits chez les bourgeois. Et ben ces mères lyonnaises ont ouvert souvent des petits restaurants, des petits endroits, les plus connus comme la mère Vitet ou voilà. Qui est le nom d'une de ces mères qui a encore un restaurant aujourd'hui sur Lyon. Et elles ont réussi à mélanger ces deux cuisines et à faire profiter aujourd'hui à tout le monde. Lyon, c'est vraiment une des villes où on peut manger de tout et à des prix très abordables, puisqu'il y a, en rapport à la population aujourd'hui, il y a plus de restaurants à Lyon qu'à Paris. Ah bon? Oui. D'accord. Voilà. Et donc tu dis que c'est mère, c'est elle qui a apporté un peu le savoir. qui ont regroupé la... Ouais, qui ont plus donné accès, en fait. Aujourd'hui, on a plein de petits restos, ce qu'on appelle le bouchon lyonnais, qui est un petit resto qui peut être cuisine familiale, mais qui peut être travaillé aussi, et qui sont des restaurants dans lesquels on mange, on va dire, pour 15 euros. D'accord. Entre 10 et 15 euros, aujourd'hui, à midi, à Lyon, on peut manger très bien. Wow. Ce qui devient rare aujourd'hui. C'est vrai. Et très difficile à Paris, par exemple. Voilà, par exemple. Et alors, si maintenant une personne devait passer à Lyon et qu'elle n'a pas encore goûté à cette fameuse cuisine lyonnaise, quel plat? Bon, évidemment, tu as cité quelques plats là qui sont des spécialités, mais il y a peut-être quelque chose qu'elle devrait goûter. Non, je pense qu'il n'y a pas un plat particulier à goûter. Par contre, effectivement, il faut essayer un bouchon lyonnais, ou si on a les moyens, un chef étoilé, ou alors entre les deux, parce qu'il y a aussi des restaurants qui sont ni des chefs étoilés, ni des petits bouchons lyonnais, mais qui sont des restaurants aujourd'hui de jeunes chefs, des gens qui ont la trentaine et qui se lancent dans une cuisine un peu moderne, on va dire, mais qui est simplement un mélange de tout ce qui se fait aujourd'hui. Le fait d'avoir une ouverture sur le monde aussi, on travaille différemment les produits et c'est plus aborder le produit différemment. C'est ça, ouais. Par contre, aujourd'hui, à découvrir Lyon, c'est surtout découvrir le culte qu'on lui voue particulièrement à cette gastronomie. Donc, je pense qu'il vaut mieux essayer un petit bouchon lyonnais et peut-être un restaurant plus haut de gamme pour pouvoir découvrir un peu plus l'art de vivre et la manière dont les Lyonnais appréhendent le repas et la gastronomie, de voir que c'est un endroit où se fait, se défait le monde, se noue et se dénoue les alliances et les moments importants de la vie personnelle. C'est ce qu'on dit généralement, oui, que c'est autour de bonnes tables que ça. Voilà, et c'est un partage parce que aujourd'hui, dans un monde qui est gage de mobilisation, une société tentée par l'individualisme et le repli sur soi, et il est très important justement de partager ces valeurs de bonne bouffe, on va dire, de plaisir et de partage surtout. Et, ouais. Et en plus, c'est très facile d'aborder une autre culture par la nourriture. Tout à fait, ouais. Donc on rencontre des gens, on peut parler, on se fait goûter nos plats, de quelle origine, nous on vient de là, tiens, je te fais un petit plat français, toi tu me fais un petit plat indien, et puis on se découvre comme ça par culture, et je pense que ça fait tomber plein de barrières. Ouais. Mais toi, bon, quand même, parce que j'ai compris, tu as eu la chance de grandir dans un environnement de bonne bouffe, ouais, avec une mère qui cuisinait, ouais, en permanence. Ouais. Est-ce que tu en as retenu quelque chose, ça va? Est-ce qu'elle t'enseignait Enseigner, pas si, parce que j'ai beaucoup participé à ces préparations culinaires, mais c'est surtout donner l'envie, en fait, d'apprendre et de découvrir, de pas avoir d'a priori sur les autres aussi, hein, ouais. Parce que, voilà. Et moi, voilà, j'aime faire la cuisine, j'aime cuisiner. Maintenant, je suis pas un grand chef, voilà. Par cuisine bien quand même, ça va. Non, mais disons que on me donne une recette, je peux faire la recette qu'on m'a donnée, mais je suis pas un grand chef, je vais pas l'évoluer, je vais pas créer des recettes ou voilà. Par contre, effectivement, j'ai cet amour-là, l'amour de la table, de partager. Puis c'est très agréable de faire à manger pour des gens et de voir qu'après, à table, ils sont contents, ils ont aimé ce qu'ils ont mangé, ils ont passé un bon moment, etc. Donc voilà, c'est agréable. On y revient, c'est une sensation de plaisir à laquelle en France on est très attaché. Plaisir à manger et plaisir à préparer aussi. Oui, c'est vrai. Plaisir à partager, à préparer et après plaisir personnel au niveau du goût et des sensations qu'on peut récupérer chacun. Et voilà. Alors, est-ce que tu as ta spécialité? Est-ce qu'il y a un plat que tu préfères cuisiner? Pas du tout. Ah bon? Donc, pas du tout. Non, j'ai pas de plat préféré. Je préfère cuisiner. J'aime rarement, justement aussi, j'aime bien essayer des trucs et je cuisine. On cuisine très rarement pour soi. Alors si on avait encore un peu de temps, j'aurais aimé que tu nous parles également des Côtes-du-Rhône et tout ça. Parce qu'avec la bonne bouffe, évidemment, il faut avoir de bons vins. Parce qu'avec une bonne table, il faut souvent en boire du bon vin. Mais bon, ce sera pour une autre fois. Avec plaisir, je viendrai vous parler des bons vins des Côtes-du-Rhône et toute la vallée du Lyonnais. Parce qu'il y en a aussi là-bas. Oui, il y a beaucoup de vins. Donc voilà, on a eu notre première émission sur la cuisine française. Ça m'a fait énormément plaisir d'en parler. Je te remercie encore, Nico, d'être venu spécialement aujourd'hui. Ben de rien, c'est un plaisir. Et je peux vous dire que nous aurons encore d'autres émissions concernant les différentes régions et leur culture culinaire en France. Entre-temps, n'oubliez pas, chaque jour un nouveau podcast sur frenchpod.com. N'hésitez pas également à me laisser vos commentaires. Toutes vos idées, toutes vos suggestions sont les bienvenues. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Salut.